Victor. Oui. Quel virus serait apparu en Amérique du Sud lors de la Coupe du Monde 2014 organisée au Brésil? J'ai rien compris. Quel virus serait apparu en Amérique du Sud lors de la Coupe du Monde 2014 organisée au Brésil? Moscou. Pas de virus. Non, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris non plus. Ça, j'ai compris. Mais j'ai compris comme lui. Non, mais même si t'as compris le virus. Mais quel virus. Mais j'avais compris comme toi. Quel virus. Mais quel con. C'est.